Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui est Assemblage requis. On s'arrête. Stop! Le temps d'une culture avec Alexandre Carignan. On a des trucs pour réussir ses études avec Véronique Mire. Et on a une chronique maison CNX et c'est un fait. Assemblage requis commence. Non, pas là, pas là. Là, là, là, stop! Do, ré, mi, fa, sa. Do, ré, mi, gelo, sol, acido. Gelo, sol, acido. Mais je pense pas qu'il annonce chaud après-midi, par exemple. Il annonce genre 14, 15 degrés, je sais pas trop. Ouais, c'est bizarre, parce qu'à matin, comme tout est gelé. Hein. Ben, ça glisse, ça t'aère pas mal. Ouais, ça glisse. T'essaies de courir pour essayer de te rendre temps à l'émission. Puis ça glisse, ça glisse, ça glisse. T'as pas tombé? Non, non. Non. Tes fesses sont propres? Oui, ben... Bien été? Ah! Ah! Ah! En tout cas, t'as dit ça? T'as vraiment dit ça? C'est cool. Ben là. Donc, bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 12 novembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François Olivier. Et on est en direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières. Yeah! J'aurais mis fage, gel au sol, acido. J'avais pratiqué en m'en venant, puis j'ai pas réussi à le faire. Non? Ah, ben, ça fonctionnait un peu. Ouais, pas pire, pas pire. Donc, aujourd'hui à l'émission, on va recevoir Alexandra Carignan pour sa chronique Le temps d'une culture. Elle va nous faire ça vers les 8h30. Elle va nous parler de plein de choses qui se passent dans le domaine des spectacles et des arts. Des affaires. À Trois-Rivières. Trois-Rivières surtout, là. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on va avoir à 8h? On va recevoir Véronique Mire du bureau de la réussite étudiante qui va nous venir nous donner des trucs pour réussir ses études, en fait. Là. Okay. Je pense qu'elle va nous parler aussi de la lecture. À moins que je me trompe. Pas en cadeau, là. Pas comme la lecture non, en cadeau. Non, pas la lecture un cadeau. Mais des trucs pour retenir plus, je pense, lors de lecture ou... Quelque chose du genre, là. Ben, c'est pas pire, ça. Ça va être à 8 heures. Ça se fait que je me trompe aussi. Ben, ça, t'aurais peut-être pas lu tes notes comme faut. T'as peut-être pas retenu la leçon. Non, mais j'en avais pas de notes, en fait. C'est juste que la dernière fois, Véronique, tu te rappelles? Oui, oui. Vous avez parlé, je pense que c'est ça que... Ouais. Qu'elle allait parler. Bref, tu on va vois, savoir vers les 8 heures. Moi, de la misère à retenir ces affaires-là. Ouais. Je suis de même, c'est plate. Sinon, en première heure, on va aussi avoir la chronique C'est un fait Regular Edition. On va parler de plein de trucs très intéressants. Et en tout début d'émission, CNX avec le tour du web. Ben voilà pour l'émission d'aujourd'hui. On va commencer avec de la musique tranquille pour pas trop vous brusquer le matin, là, comme ça. C'est quand même lundi, là. Ben c'est ça, une chose à la fois, là. Hein? Une petite taloche, là, ses fesses. C'est pour plus tard dans l'émission. Hein? On regarde une gêne. Pour l'instant, voici une pièce du palmarès anglophone, c'est Smoke and Jackal. En fait, le groupe Smoke and Jackal, voici Fall Around, Fall comme en l'automne, ou comme tomber, comme vu que le soleil est givré. Hein? Tout fit. Bonne journée. Monsters and Men et la pièce Six Weeks. J'adore cette pièce-là, c'est vraiment formidable. Pour vrai, je le dis, je pense à chaque semaine, à chaque jour. Procurez-vous cet album. Ouais, achetez-le, tout simplement. En fait, ça vaut vraiment la peine. Bon cadeau de Noël, d'ailleurs. Ouais. Of Monsters and Men. François, au début de l'émission, je ne me suis même pas demandé si ça allait bien. Si, ça va bien, ça va bien, toi? Ouais, ça va bien. Bon, ouais. Parle-moi de ça. C'est dit, hein? C'est dit. Bon. On peut passer à autre chose. Yes. Maintenant, on parle de technologie. Voici la chronique Geek CNX. Dot com. C'est la chronique de la fierté geek en ce lundi matin du 12 novembre. Commençons par, vous savez, il y a quelques jours, semaines, on avait appris que Lucasfilms avait été racheté par Disney. Ouais, tout à fait. Bon, on savait ça. Maintenant, par contre, c'est les propriétés de chaque compagnie qui nous intéressent. Donc, c'est le magazine Empire qui nous divise ça en catégories. Par exemple, c'est un graphique. Donc, tu peux aller voir sur assemblagerequis.com pour savoir qu'est-ce qu'il y en est exactement. Mais Disney est maintenant propriétaire de Lucasfilm, The Muppets, Marvel, ça c'est The Avengers, Captain America, Iron Man, Thor, Winnie the Pooh, Pirates of the Caribbean, Pixar aussi, donc Toy Story, Monsters Inc. et Cars. Ensuite, Warner Brothers est propriétaire de The Hobbit, ça c'est Bilbo le Hobbit. DC, ça c'est Superman, Batman, Justice League, les Looney Tunes, Sherlock Holmes, The Hangover, d'accord, pourquoi pas, lendemain de et Final Destination. Ils ont le monopole. Ils ont le monopole, pas pire, sur les grosses affaires. Sony ont Spider-Man, Ghost Rider, Men in Black, les Schtroumpfs, Resident Evil, James Bond. Mm-hmm. Universal a Jason Bourne, Fast and Furious, Jurassic Park et Despicable Me. Lionsgate a entre autres Twilight, The Hunger Games, The Expendables, donc les films pour adolescents, je trouve. Ouais, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très très bien. 20th Century Fox a Avatar, Fantastic Four, X-Men, Planet of the Apes, et puis Alvin et les Chipmunks. Génial. Paramount est propriétaire maintenant de Star Trek, Transformers, Madagascar, Mission Impossible, Indiana Jones et plusieurs autres. Donc allez voir le graphique et voyez comment les choses s'entremêlent sur assemblagerequis.com. Ensuite, est-ce que tu as entendu parler de la femme qui a acheté un iPad, entre guillemets, à une station-service? Non. Et que finalement, c'était pas un iPad? Non. Non, mais c'est ça, c'est la madame, elle était dans un stationnement. Où ça? Au Texas. OK. Elle a donc acheté une boîte, pas ouverte, une boîte de FedEx, OK, c'est écrit FedEx dessus, pour 900, pour 200 $ $200. OK, elle savait pas ce qu'il y avait dedans. Non, c'est ça. Et en l'ouvrant, elle s'attendait à ce que ce soit un iPad, évidemment. Ce qui était à l'intérieur, c'était un miroir avec une photo d'un iPad collé dessus. OK. Elle a acheté ça pour 200 $ elle savait pas que c'était ça, mais il faut aller voir le reportage sur assemblagerequis.com. Quand c'est trop beau pour être vrai, là, 200 $ pour un iPad, là. Hein? Méfie-toi. À moins que ce soit sur Kijiji puis tu l'essayes toi-même, bon. En tout cas. Il y a un artiste talentueux qui prend des poupées ou des figurines de personnages de films et les rend absolument réalistes. C'est ce qu'il fait. Donc, si t'as déjà vu une poupée de film, une figurine de Wonder Woman, par exemple, ça ressemble difficilement à la vraie personne. C'est pas tout à fait réaliste. Non, c'est sûr. Donc, cet artiste-là, Noel Cruz, il voit ça comme un défi. Il repeint les visages sur ces figurines-là pour les rendre aussi précis que possible. Et il est vraiment, vraiment très, très bon. Très, très bon. Donc, allez voir assemblagerequis.com pour la galerie de photos. Certains de ses projets sont vendus sur eBay. Et il y en a qui se vendent pour au-dessus de 500 $. C'est quand même quelque chose. Donc, il y a une galerie de photos du avant et après de, par exemple, le personnage de Harry Potter, le méchant pas de nez. Ça se vend cher, ça. Ça se vend très cher. Superman. Superman. Ça, c'est qui ça? Je sais pas trop c'est qui ça. Mais en tout cas, tous des acteurs qu'on connaît, mais dont moi, j'ai pas les noms. Je reconnais, mais je sais pas c'est qui. Sinon, il y a aussi une vue 360 degrés à partir d'une voiture de Formule 1 à 200 000 à l'heure. C'est Red Bull. Tu sais, Red Bull, comment ils sont forts sur les extrêmes en ce moment. Donc, une compagnie norvégienne qui s'appelle Making View. Et donc, Red Bull Racing et Making View se sont associés. Et Red Bull a installé une des caméras 360 degrés de Making View qui s'appelle la ViewCam 360 sur la voiture de Sebastian Buemi. D'accord. Il l'a envoyé sur le circuit Rødgusen Motorsenter en Norvège à 200 000 à l'heure. Ça, c'est 322 km/h. 322 km/h, incroyable. Ouais, c'est rapide, ça, mon ami. Le système pèse seulement 600 grammes et contient 224 gigs de disque dur. Donc, on peut lui mettre un paquet de données. 50 images par seconde, une résolution de 4000 par 2000, je sais pas, 4K par 2K. Okay. Donc, la meilleure chose, c'est que quand on utilise le lecteur qu'il y a dans l'article sur assemblagerequis.com, donc vraiment littéralement un lecteur embedded dans la page web, on peut faire play et bouger avec la souris et les flèches du clavier, la caméra, parce que la caméra enregistre 360 degrés, et t'as vraiment le contrôle. Cette vitesse-là... Non, mais vraiment, là, c'est vraiment génial, parce que tu peux regarder... C'est comme un jeu vidéo, là. Tu peux regarder en arrière du char qui est en train de conduire, puis il est à 322 km/h, puis je bouge les flèches, là. En ce moment même, là, live, là, c'est vraiment impressionnant. Pour vrai, là, c'est vraiment cool. Donc, allez voir ça à assemblagerequis.com. Vous allez adorer ça, j'en suis certain. Ensuite, vous savez, les imprimantes 3D sont très à la mode en ce moment. Il y a des gens qui en achètent. Oui, tout à fait. On peut imprimer n'importe quoi. Bizarre. Plastique. Ben, c'est le fun. C'est le fun. J'imagine. Aucune utilité pour nous autres en ce moment. Mais un jour. Peut-être. Imagine, il y en a qui se faisaient imprimer des fusils. Donc, ici, c'est un morceau de bacon, mais pas mangeable, et qui ressemble à un Mobius strip. Tu sais, Mobius strip, on a déjà parlé, c'est une bande qui retourne à l'intérieur d'elle-même. C'est comme... c'est difficile à expliquer comme ça à la radio. Un truc sans fin, là. Un truc sans fin. Juste sans fin. Très bien dit. Donc, mais ici, c'est un morceau de bacon. Donc, imprimé... Sans fin. Sans fin, exactement. Pas mangeable. Pas mangeable. Ça coûte 19$ chez Shapeways, et donc, vous pouvez acheter ce morceau de bacon, là, imprimé en Mobius strip, et il y a une vidéo dans l'article. Facebook continue sa campagne publicitaire de bizarre, là. De choses, j'aime pas trop leur campagne publicitaire, je trouve ça stupide. Je sais pas si t'avais vu la vidéo à un moment donné, c'était bon, tu sais, la vie est comme Facebook. Les chaises, c'est comme Facebook. Non. Mais ils continuent avec des publicités juste graphiques, donc ben, comme des posters, si on veut. Et donc, c'est vraiment, par exemple, on voit une piscine et dessus, c'est écrit en genre de ballon gonflable, les piscines, c'est comme Facebook. Parce que c'est ça qu'ils veulent dire, Facebook, c'est que la vie est comme Facebook. T'sais. Donc là, il y a une citrouille et c'est écrit dessus, l'Halloween, c'est comme Facebook. Il y a un gâteau avec une bouchée de prise, un morceau d'enlevé. Les gâteaux, c'est comme Facebook. Ouais. Bizarre. Fait que là, il y a des parodies maintenant que vous pouvez aller voir sur assemblagerequis.com. Je sais pas, il y en a plein. Il y en a plein. Des pandas avec des fusils, c'est comme Facebook, parce qu'il y a un panda avec un fusil. C'est super la fin. Ensuite, un nouveau projet que j'aime beaucoup. C'est un gars qui se promène partout à Seattle et dans d'autres places, à Washington. Donc, on l'appelle le Creepy Cameraman. Il essaie de montrer que les caméras de surveillance font partie de la vie de tous les jours. Mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un transporte sur lui une caméra de surveillance et filme tout le monde? Est-ce que c'est la même chose que des caméras de surveillance installées? Donc, c'est ce qu'il fait. Il porte une caméra sur lui et filme les gens et poste les vidéos sur Facebook. Ben, sur YouTube. Pourquoi pas? Oui. Donc, Creepy Cameraman. Et puis, évidemment, c'est un peu pour prouver ou pour montrer que dans le futur, quand on va tous porter des Google Glasses, là, comment ils appellent ça, les lunettes de Google? Ouais. C'est Glasses? Ça. Ben... J'imagine. En tout cas, c'est ça. Un jour, Project Glass, c'est ça. Google Project Glass. Quand tout le monde va porter ça, ce sera plus spécial de se faire filmer. Parce que tu vas te faire filmer par tout le monde. Les gens, tu sais, on sort notre iPhone, on peut faire semblant d'écrire un message texte et être en train de filmer quelqu'un, là. Ouais. Tu sais, donc ça arrête jamais. Et c'est ça, il les poste sur YouTube, donc allez voir ça. Des logos de compagnies célèbres zombifiés. Hein, l'Halloween est terminé, mais ça veut pas dire qu'on arrête les zombies. Les zombies, c'est vraiment à la mode, là, ces temps-ci. Walking Dead, etc., ça n'arrêtera pas, là, c'est pas besoin d'Halloween. Donc, on prend le logo de Playboy et on le transforme en genre de lapin avec des grosses dents puis les oreilles toutes bizarres, puis on appelle ça Plague Boy. Plague Boy, comme la plague, tu sais. Ou on transforme Starbucks en Star Guts. Hein, donc, allez voir ça. Et il y en a d'autres sur assemblagerequis.com. Une autre artiste qui s'appelle Jenny Odell qui capture des choses dans Google Street Satellite View, la vue satellite sur Google Maps. Et puis elle prend différentes affaires et fait des compositions avec ça, des compositions visuelles. Par exemple, un genre de tableau où on voit 10 glissades d'eau qu'elle a trouvées sur Google Satellite View. 97 tours de refroidissement nucléaire, là, patente. 144 stationnements vides. Et là, elle les colle ensemble, elle réussit à les imbriquer un dans l'autre pour faire un genre d'œuvre. 104 avions, 120 stades. Un paquet de choses comme ça. 39 sites d'enfouissement sanitaire. Pourquoi pas. Elle a de très bons sujets. Allez voir ça. Sinon, ben, l'Halloween est passé depuis longtemps, mais il fallait absolument que je revienne sur cette citrouille-là qui, avec laquelle on peut jouer au Tetris. Une citrouille? Comment c'est ça? Ben, je sais pas, mais il y a une vidéo et on peut contrôler le morceau de Tetris qui tombe avec la tige de la citrouille. Donc, tu bouges la tige et ça tasse le bloc. Et je sais pas, il y a des trous là-dedans, puis des lumières LED, et puis un circuit qui fait qu'il y a Tetris qui joue là-dedans. Donc, vous pouvez voir comment ils ont fait ça sur les liens sur assemblagerequis.com et regarder la vidéo du gars en train de jouer. C'est pas Call of Duty. Non. C'est Tetris, mais c'est le fun pareil. Et parlant de Tetris, campagne de marketing assez intelligente de la part de One avec leur condom Perfect Fit. Perfect Fit. Le condom lui-même et a des morceaux de Tetris dessus. Donc sur l'emballage, on retrouve des morceaux de Tetris, des petits carrés, et évidemment, la barre droite arrive et s'enligne dans un trou. Exactement de la bonne largeur et grandeur. C'est le fun! C'est sûrement complètement illégal d'utiliser la marque de Tetris pour un condom. Ils ont absolument pas demandé la permission. J'imagine. Mais quand même, c'est intelligent. Moi, j'aime bien. Eh bien, particulier. Particulier. Voilà pour la chronique CNX. Vous pouvez aller retrouver les liens sur assemblagerequis.com. Comme je ne l'avais pas dit, genre 12 fois depuis le début de la chronique. Mais quand même, maintenant, vous le savez. On le sait. Si tu le sais pas, là, mais quelque chose qui ne marche pas, là, parce que non, tu ne peux pas, pas en tout, là. Ah, une autre chronique une autre fois. Et puis, évidemment, vous pouvez retrouver les chroniques CNX une fois compressées après qu'il y en ait eu une couple sur assemblagerequis.com dans l'émission web CNX.zip. Voilà, c'est ça. Les trois accords maintenant. OK. François. Oui, tout à fait. Exercice. C'est leur nouvelle... On va en faire un matin. Oh, ben, parle pour toi. Ah, parce que moi, l'exercice... Non, t'en fais pas. C'est pour les autres. Tout arrêt sur ce banc nous est interdit. Il est fait pour ceux qui le regardent vu d'ici. Ce trottoir fut conçu spécifiquement. S'arrêter devant. Bonjour François, t'es mieux d'être prêt à apprendre, sinon... Ah, d'exercice. Exercice? Ah, moi, là... Ah, come on! Come on! Va me faire mal, va me tirer quelque chose, voyons, non? Yeah, man, faut que je prenne soin, faut que je prenne soin de mes fesses propres. Elles sont pas propres, premièrement. Hey, Elles sont très grosses. Merci, comme je le savais pas déjà, je suis pas déjà assez complexe de main. Hey, on revient. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. gymnase. Il fait toujours un peu plus froid lorsqu'il nage. Petit pas à pas, j'avance et mon état me pèse. Je ne sais qu'en faire pour qu'il te plaise. Et c'est l'enfer. Ok, c'est facile de se moquer, mais c'est moins évident de viser quelque chose de beau. Et puis c'est dur de s'effacer comme un mur qui serait considéré comme quelque chose de faux. Tout est différent quand on est entouré des autres. Moi j'abandonne et je te lance comme ça, that's it. Mais quand je m'entends ta pensée de même, alors j'entends ma voix qui insiste. Tout est différent quand on est entouré les autres. Oh, comme on est plus grand quand les enfants sont les nôtres. Déjà en train d'attendre la fin de l'hiver. Carré Moilette! Hey! Ouais. Il est très bon. Son album Fox sort le 27 novembre. Ça, c'est bien de son précédent album Plume. Formidable. On est out. Oui. On va en faire jouer, c'est sûr. Mais on peut le précommander sur iTunes en ce moment même. Ah ouais. Pas de chansons qui viennent avec, par exemple. On attend. Yeah. On attend. Mais on n'attendra plus très très longtemps avant d'apprendre des choses, hein? Dans la vie, il ne faut jamais attendre avant d'apprendre plus, là. Hein? Non. Ça veut rien dire, ça, hein? Non. Mais non. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. François-Olivier, t'as hâte hein, d'apprendre. J'ai out. Oui. Savais-tu que presque tous les pays votent plus que les États-Unis? Oh, ouais, pour vrai. C'est ce que j'ai appris en regardant un article, en fait, un infographique, comme on l'appelle dans le domaine, là, qui vous montre ça visuellement. On est pire que n'importe quel autre pays comme le Japon, le Mexique, le Royaume-Uni. Donc, allons-y dans l'ordre. On va commencer par le bas des pays qui votent le moins. Okay? Okay. On commence par, est-ce qu'on dit le Nigeria? Oui. 28,66% des gens votent là-bas. Ensuite, ouais. C'est pas beaucoup. C'est un petit peu plus que le quart, ça. Un petit peu moins que le tiers. Ensuite, le Sénégal à 35% presque. Aux États-Unis, c'est 41,59% des gens qui votent. Afghanistan, 45,83%. Ensuite, on monte tranquillement pas vite avec l'Inde, la France, le Canada à 61,41%. Là, on dit tout le temps, waouh, tu sais... Il n'y a pas beaucoup de monde qui vote, là. Mais justement, il n'y a pas beaucoup de monde qui vote. Mexique à 62,45. Ensuite, ça monte très tranquillement avec le Népal, Paraguay, Royaume-Uni, Japon. La Hollande à 75,40%. Ensuite, la Malaisie à 75,99%. Le Brésil à 82 presque. Et la Suède à 84,63%. OK, nous, on est où? Le Canada, c'était 61,41%. Je sais pas si... Donc, on est Mais on a du chemin à faire encore, 84% pour la Suède. Oui, exactement. Ouais. On est très loin au-dessus du Nigeria. 23 pays ont une forme de vote obligatoire. Dans certains cas, c'est pas renforcé, mais quand même vote obligatoire. Certains de ces pays-là, c'est l'Argentine, l'Australie, Brésil, République démocratique du Congo, l'Équateur, Luxembourg, Nauru, Pérou, Singapour et l'Uruguay. Ils veulent dire quoi par obligatoire? Si tu votes pas en Australie, il faut que tu payes entre 20 et 50 $. Ah, là, toi. Ouais, ouais, ouais. Et là, je de bonne façon. Moi, je trouve ça parfait. Ouais, ouais. Évidemment, là, je fais que lire cette image-là. Si vous voulez la voir vous-même, c'est sur assemblagerequis.com. En Bolivie, les gens qui ne votent pas peuvent être empêchés d'aller retirer leur salaire à la banque. Oh ouais. Tu peux pas aller retirer ton salaire. Le top 5 des États pour dans le pourcentage de gens qui ont voté en 2008 aux États-Unis, c'est le Maine, Colorado, New Hampshire, Wisconsin et le Minnesota. Donc, où les gens se sont enregistrés le même jour qu'ils ont voté. Voilà. Ils sont enregistrés pour voter. Okay. Bon, vraiment. Plusieurs pays font les élections la fin de semaine. La Suède, leur journée d'élection, c'est un dimanche, alors qu'en Australie, c'est un samedi. Okay. Ça voilà. Date fixe, j'imagine? Ouais, ou... j'imagine que ça doit être moi. Ouais, ça doit être ce qui tombe le plus près du jour. Je ne sais pas. On sait pas. Évidemment, aux États-Unis, c'est un mardi. Donc voilà pour cette petite infographique-là. Allez voir sur assemblagerequis.com. Parlons de jeux vidéo maintenant. Dans la sortie japonaise du jeu Rayman 2, The Great Escape, Rayman a été recoloré. En fait, il était mauve et il est devenu bleu. Parce que dans la culture japonaise, mauve est la couleur de la mort. Oh. Ça, je ne sais pas ça. Non, moi non plus. Maintenant, la tour de pierre, le temple de la tour de pierre. Okay. Il y a une chanson thème qui accompagne ça dans The Legend of Zelda Majora's Mask. C'est une chanson qu'on appelle palindromique. Et palindromique, est-ce que tu sais ce que ça veut dire un palindrome, François? Non, du tout. Non, ça veut dire quand tu peux, disons, lire une phrase par en avant ou par en arrière et c'est la même chose. Tu sais, là, genre, mettons une phrase. Ben ici, ben c'est pour la musique, c'est la même chose. Donc, si on écoute ici l'extrait, attention, est-ce que je peux faire ça ici? Pour entendre la chanson? C'est la chanson du temple. Et si je vais assez loin dans la vidéo, ça devrait être dans ces coins-ci, attention. Quand tu vires le temple à l'envers dans le jeu... La musique vire à l'envers. La musique vire à l'envers. C'est juste les effets qui sont à l'envers par-dessus. Ouais, c'est ça. Le reste de la chanson est pareil. Bien. Assez intriguant. J'aime bien ce genre de concept-là. Toujours dans cette fait, maintenant on parle encore une fois de jeux vidéo. Allons-y avec Paper Mario The Thousand Year Door, la porte millénaire, quelque chose comme ça. Donc, il y a une maison dans une ruelle dans le Main Square de Rogueport qui, à l'origine, avait un trait de craie en forme de Toad. Tu sais, Toad, c'est le petit bonhomme champignon hein, dans Mario. Donc, il y avait sa forme en craie et il y avait du sang séché sur les murs. Et bien, ces signes de violence ont été enlevés dans la version américaine du jeu pour ne pas offusquer les enfants. Eh bien, on est de même. Ensuite, dans le jeu Diablo, lorsque le méchant démon dans Diablo est relâché dans les derniers tableaux de Diablo 1, il dit quelque chose dans une langue bizarre. Et quand on joue à l'envers, la voix est en anglais et ça dit... Attends, on va essayer de l'écouter encore une fois. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Il est ici. Extrait YouTube. On aimerait ça que ça joue quand tu veux. Et ici, voilà. Diablo 1, qui joue un son quand tu entres dans le niveau 16. Ça, c'est le son tel qu'il apparaît dans le jeu. Et là, on le renverse. C'est cool, hein? Mange tes légumes et brosse tes dents? Exactement, après chaque repas. Oh, ouais. J'adore ça. Wow. Très bonne idée. Comme ça, tu sais, les messages subliminaux, là. Peut-être que ça va fonctionner avec ça. Il y a un jeu qui s'appelle 12X qui est sorti le 26 juin 2000 et qui se passe en l'an 2052. Il y avait une section du jeu où le skyline, là, tu sais, les bâtisses, quand on voit les bâtisses à New York. Au loin, là. Exactement. Et les deux tours du World Trade Center ne sont pas là. Elles existent dans les fichiers du jeu. Mais on les a pas mis dans le jeu parce qu'il y avait un manque de mémoire pour les textures. Là. Il y avait une limite dans ce qu'on pouvait afficher à l'écran. Ah ouais, pour vrai? Ouais. Donc, pendant le développement, les développeurs du jeu ont justifié le fait qu'il n'y avait pas de tour en disant que des terroristes avaient détruit le World Trade Center plus tôt dans l'histoire du jeu. Et là, le jeu est sorti en 2000. OK. Un an avant les attaques terroristes de 2001. Et le jeu se passe en 2052 où on fait référence à une attaque terroriste. Eh ben. C'est quand même quelque chose. Ouais. C'est des visionnaires. Des visionnaires. Ensuite, là, on a terminé avec les jeux vidéo. Parlons de d'autres faits par rapport. Les soldats américains du Vietnam utilisaient des slinkies comme antenne pour améliorer la réception de leur radio. OK. Quand même, quand même. Ensuite, la... Oui, OK. Lorsqu'on leur donne un accès illimité à des souris, les chats vont en tuer environ 15 avant d'arrêter. Ah oh ouais. Si tu leur donnes des souris, Alain... Par jour? Je sais pas, c'est bon. Je sais pas, bonne question. Plusieurs grenouilles peuvent en fait boire et respirer à travers leur peau. Okay. Des grenouilles. J'aime pas ces grenouilles. C'est pas beau. Ouais, c'est pas... C'est pas très joli. Non. Selon le Wall Street Journal, le marché du cockfighting, les batailles de coqs, c'est très, très gros. Aux Philippines, on a environ 5 millions de coqs qui sont utilisés juste pour les combats de coqs. OK. Comme ça qu'on dit ça, combat de coqs? Ouais, je pense que oui. Ouais, c'est ça. C'est triste. Un escargot peut dormir pendant 3 ans de suite. OK. 3 ans de suite. Sans arrêt. Non-stop. Les chiens, eux, peuvent dormir en moyenne en 18 heures par jour. 18 heures sur 24. On se rappelle, on avait parlé des chats l'autre fois, je me rappelle plus du chiffre. Les jeunes castors restent avec leurs parents pour les 2 premières années de leur vie avant de sortir et d'être libres comme l'air et faire leur propre vie. Très bien. Mais ouais, pourquoi pas. Les oiseaux, comment ça s'appelle? Les hummingbirds, là, les petits pic-bois. Les pic-bois. Non, hummingbirds, c'est ceux qui battent des ailes super vite, là, les colibris. Colibris! OK. Donc, les colibris peuvent battre leurs ailes jusqu'à 100 fois par seconde. Ouais, c'est énorme, là. Énorme. Les chiens policiers sont entraînés, sont fins, sont en effet très fins, ils sentent très bon. Ils réagissent à des commandes dans des langues étrangères. La plus commune des langues, c'est l'allemand. Mais récemment, c'était le hongrois qu'on a commencé à enseigner aux chiens policiers. D'accord. Les lapins et les chevaux ne peuvent pas vomir. Non? C'est ce que ça dit. Évidemment, quand on dit que c'est un fait véridique, véritable et vérifiable, on le précise une fois sur cinq, là, mais c'est selon les internets. Hein? Ouais. Les singes mâles peuvent devenir chauves autant que les hommes. Les singes mâles devenir aussi chauves que les hommes. Les moufettes peuvent squirter, comme j'aime le dire, leur liquide puant précisément jusqu'à 10 pieds de loin. Précisément. C'est de la pression. Et c'est ciblé. C'est ciblé. Les pandas peuvent manger au-dessus de 80 livres de bambou par jour. 80 livres. Quand même. Bruce Lee, tu connais Bruce Lee? Qui ne connaît pas Bruce Lee? C'est ça la question. Bruce Lee était tellement rapide qu'ils ont dû ralentir ses scènes dans ses films. Je te jure. Oh, ouais. Pour qu'on puisse voir tout ce qu'il faisait. Wow. Ça s'appelle rapide. Daniel Radcliffe, le gars qui joue Harry Potter, a admis qu'il était sous l'influence de l'alcool quand il a filmé certaines de ses scènes dans les films d'Harry Potter les plus récents. Sous l'influence de l'alcool. Sous! T'es sous! tu connais Taylor Swift? La belle Taylor Swift. C'est une chanteuse genre country, new country. Bon. Donc, Taylor Swift a appris à jouer de la guitare du gars qui est venu chez elle à l'origine pour réparer son ordinateur. Tu sais? Oh ouais. Quand même, pas pire ça. Se sont liés d'amitié. Oh, c'est cute. Tu connais Miley Cyrus, Anna Montana? Ouais. Donc, Miley Cyrus, elle avait des broches sur ses dents, en fait, en arrière de ses dents pendant toute la série Anna Montana, mais elles étaient collées à l'arrière de ses dents pour qu'on puisse pas les voir. Tu sais, des fois, les broches étaient à l'avant. Tu peux aussi les avoir en arrière. Ah. Elle avait ça tout le long de la série. Ah, bien, bien. Pas pire, hein? La première entreprise de Bill Gates s'appelait Trafodata. C'était une compagnie qui créait des machines qui enregistraient le nombre de voitures qui passaient sur un certain point de la route. Donc, à un certain moment sur la route, il y avait cette machine-là installée, ça comptait le nombre de voitures. Trafodata comme traffic. C'est traf. Okay. Sport maintenant. Le baseball est une variation, une légère variation d'un jeu britannique qui s'appelle Rounders. Rounders. Je sais pas. Non plus. À chaque année, 30 000 personnes sont sérieusement blessées par leurs équipements d'exercice. 30 000? Je sais pas si c'est leur... Une blessure ici, une petite blessure là. le Power Thigh 3000. Le quoi? Power Thigh. Non, c'est quoi les affaires de cuisses? Là, c'est le canon sur la télé. Les cuisses. Moi, c'est plus les abdos que je regarde. Là. Ah ouais. Hein. Le Ab Roller? Ouais, le Ab Pro. Ab King Pro. Ah, ouais. T'en as plein, là. Il y en a trop. Plus. Hey, quand tu regardes la télé la fin de semaine, sérieux, là, il y a des postes, là, tu sais, des fois, là, j'attends une émission qui commence, mettons, à 10h, puis l'infopub qu'il y a avant, 9h30, est toujours la même à chaque semaine, au même poste. Ouais. C'est comme varier un peu votre catalogue d'infopub. Voyons là. Eh bien. En tout cas, mais c'est le fun. Vendre des matelas à la télé, c'est le fun, c'est bon. Belle fun. Ensuite, il nous en reste quelques-uns. L'année dernière, un restaurant qui s'appelle Iceland okay, a présenté ce qu'ils appelaient la Double Decker Pizza, une pizza à deux étages. Ça contenait 89% des calories recommandées pour les femmes à chaque jour et 71% pour les hommes. J'ai envie de chercher sur Google Images Double Decker Pizza juste pour voir. Hmm. Je suis sûr que ça doit être vraiment bon. Ouais, j'imagine. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Non, mais c'est beau, là. C'est bon? Ah, ça a l'air bon. Pour vrai, c'est vraiment une pizza et une autre pizza par-dessus. Puis là, tu prends une bouffée de ça, c'est... Wow! C'est chic, c'est chic. Le plus vieil animal à jamais avoir été trouvé au monde était une palourde. Ouais? D'Islande, qui avait 405 ans. Ah, ouais? Ouais, mais elle a été tuée, malheureusement, par les chercheurs qui essayaient de trouver son âge. Mon Dieu. Ils ont dit, hey, elle a 405 ans. Ah, ben, vite, on la tue. C'est tout. Let's go, vite. Tu connais le film Grease? Ouais. Au Québec, on l'appelle Brillantine. Ouais. C'est supposé être la graisse que tu mets dans les cheveux pour que ce soit brillant. On appelle ça de la Brillantine. Au Mexique, ça s'appelle Vaselina. Vaselina. La Vaseline. C'est drôle, ça. C'est très long. Ça sert à plein de choses, la Vaseline. Et finalement, le remplacement du sucre, le Splenda, était supposé être un insecticide au départ. C'est devenu un remplacement de sucre lorsqu'un assistant s'est fait demander en anglais « Please test it ». Oh. Et lui a entendu « Please taste it ». Teste-le, goûte-le, tu sais. Puis ça goûtait bon, apparemment. Ça n'a pas goûté si bon que ça, parce que maintenant qu'on a du Splenda partout, ça goûte pas nécessairement bon, là. Mais ça goûte quelque chose. Ouais. Est-ce que t'es un fan de faux sucre, toi? Non, vraiment pas. Non, ça goûte... Moi, on veut du vrai. Ouais. Du vrai. L'aspartame qui est pas bon, c'est ça? Ouais, mais le Splenda, ça doit être un dérivé de ça, là. Probablement. J'imagine. Sinon, le sirop de maïs, là, c'est pas pire. Sirop de maïs. Non, l'affaire high fructose corn syrup, le sirop de maïs à teneur élevée en fructose, là. Comment ça s'appelle? Ah, je sais pas. C'est bon, ça, quand même. C'est avec ça qu'ils faisaient du... Toi, vrai sucre, non? Le Pepsi dans le temps. Oui, vrai sucre. Hein? Oui, oui, oui. Ouais. Moi, je... Les sachets, ça l'a. Hein, ça l'a. Non, mais sur du café, dans du café, je mets de la cassonade, de la chasse. Ouais, ouais. Du sucre brun naturel. Ouais, c'est bien, ça. Ça goûte bon, ça. Ouais. Ça, c'est vrai. Et c'est un fait, hein. Ben. Okay. C'est comme ça. C'est de même, c'est la vie. Sinon, du miel. Si tu veux sucrer quelque chose, des fois, là, du miel ou du sirop d'érable dans tes recettes, là. Tout à fait, sirop d'érable surtout. Il y a aussi du sirop d'agave. D'agave. Chez David's Tea, entre autres, là. OK. Sirop d'agave, ça goûte comme le miel, c'est moins sucré, moins d'affaires qui sont pas bonnes pour toi. OK. Alors, bref. Mais du miel, c'est bon pour toi. Oui, c'est bon, du miel. Du miel des abeilles. Ah, buzz. buzz, on aime ça. On va l'écouter parlant de buzz, un groupe qui fait le buzz ici, assez fou. C'est Atomic Bababy Bobu. Atomic Baobab. Leur album, le Viewmaster, voici la pièce titre à l'instant. Assemblage requis au 89 FM, c'est fou. We'll Greek Woman de Lesbos-Rouven, retour en arrière, en fait retour en 2008 pour cette pièce de Lesbos-Rouven qui était venue nous voir à la Chasse-Galerie en spectacle avec un show organisé par C'est Fou il y a quoi, sûrement 4 ans de ça? Ouais, que, peut-être plus même. Puis ben, je pense, en fait, si je me trompe pas, il y avait Devil's Rod aussi. Oui. Oui. On a... Et Mimi Van Daglo, c'est une autre chose. Ouais, ouais, ouais, je pense que oui. Très bon spectacle. Mais bref, cette pièce-là qu'on a entendue, Greek Woman, était sur le palmarès à l'été 2008. François et moi, en ronde, on parlait de café, là. Café? Parce que ça faisait peut-être 2 ans que ma copine et moi, on se magasinait une machine à café. Tu sais, Keurig et Tassimo. Ouais, c'est populaire, là. C'est très populaire en ce moment. Il y a aussi Dolce Gusto de Nescafé qui, elle, est vraiment pas populaire du tout, là. Mais Keurig, tu sais, on cherchait des avantages et des désavantages. Par exemple, mon Keurig a 250 sortes de café en petite capsule. Tassimo en a juste 50, mais Tassimo fait des espressos, des lattés, des chai, n'importe quoi. Et Keurig ne fait pas ça. Ils font juste des saveurs d'espresso parce que c'est pas la bonne température, la bonne pression, etc. Et là, voulant acheter, finalement, je voulais tester la Keurig pour voir qu'est-ce que je pensais du café. Et j'ai découvert par mégarde totale qu'il y a un gène, possiblement, dans le corps humain, là, qui fait que 5% de la population environ détecte, là, j'ai pas le nom exact avec moi, mais les genres de OVC, OK? C'est un truc qui est relâché par les capsules de plastique de ces machines-là. Et apparemment que moi, j'ai ce gène-là. Donc, les Keurig, pour moi, goûtent le plastique et sentent le plastique. Donc, c'est pas bon, là. C'est vraiment pas bon. Et l'arrière-goût te reste pendant la journée au complet après ça. Ah ouais? Donc, faites attention à vous. C'est aussi. Fun, si vous voulez acheter cette machine à 150$, 100$, dépendant du modèle, essayez-la donc. Ouais. Essayez-la avant. Moi, j'ai eu la chance de l'essayer chez quelqu'un qui avait une Keurig. Et, tu sais, là, les gens vont me dire... Mais c'est pas blague. Bref, pas tout le monde a ça, là, mais... De plus en plus de gens ont ouais, ça. Ouais, c'est ça. Et faites bien attention de magasiner la bonne. Pas, moi, genre... Je penchais du côté de Tassimo, étant donné qu'elle fait des vrais espressos. Pas des saveurs d'espresso, mais vraiment des espressos. Et il y a seulement Tassimo qui fait ça. Par contre, Tassimo a de moins en moins de marques qui sont associées avec eux. Par exemple, Starbucks a quitté Tassimo pour aller du côté de Keurig. Oh, vrai. Mais par contre, Tim Hortons est maintenant du côté de Tassimo. Tassimo. Mais il n'était pas sur Keurig avant. Il n'était pas sur Keurig avant, c'est ça. Et le choix du président qui fait d'excellents cafés aussi, qui est du côté de Tassimo. Donc vraiment, magasinez vos marques. Et puis dites-vous que si vous achetez une Tassimo maintenant... étant donné que c'est la moins populaire des deux, je crois que Keurig a 80% du marché et les 20% okay. C'est Tassimo et les autres, donc pas 20% de Tassimo. Donc ça se pourrait que dans un an ou deux, il n'y a plus du tout de capsule Tassimo, on verra. Ou peut-être que les deux vont s'associer. Moi, je comparais ça un peu à la radio satellite. T'sais, XM et Sirius vivaient à côté de l'autre. Il y en avait un qui était super populaire, l'autre moins. Puis à un moment donné, les deux se sont fusionnés pour faire Sirius XM. Beta et VHS, à un moment donné, il y en a un qui est mort. T'sais. HD DVD, Blu-ray gagné, tu sais. Donc, je sais pas, peut-être que Tassimo ne durera pas, mais au moins pendant les années où ça durera, vous aurez encore le choix de faire votre espresso. Moi, je recommanderais d'acheter une vraie machine espresso, premièrement. C'est pas super mais cher. C'est cher à titi. Ben, c'est cher pour les machines de luxe, mais ouais. Sur Amazon, il y en a en bas de 100$, des machines espresso. C'est pas les meilleures, ouais. Mais sont bien cotées. Okay. Donc, on y pense. Pour l'instant, on s'est acheté une Hamilton Beach, une cafetière qui fait une tasse à la fois. Okay. C'est un peu comme Keurig, c'est que t'as la cafetière de 12 tasses d'un côté. Okay, ouais. Puis t'as une minuscule un petit trou avec juste un tout petit filtre pour mettre pour faire une tasse. Et là, tu mets vraiment littéralement ta tasse de café, peu importe la grandeur, en dessous. Tu mets jusqu'à la ligne du café ou un petit peu plus, un petit peu moins pour doser. Tu mets exactement la quantité. Dans le fond, tu prends ta tasse, tu mets de l'eau dans ta tasse, d'eau. Tu la remplis dans le truc. Puis tu ne salis pas de cafetière. Moi, c'est la raison que je buvais juste un café par jour le matin. C'est qu'en arrivant à la maison le soir, t'as pas envie de laver la cafetière. Non. Donc, si ça vous intéresse, c'est la Hamilton Beach Two-Way Brewer. Donc, voilà. Et on devrait parler de café plus souvent, en fait, je trouve. Non, mais l'année passée, on parlait de thé. Oui. Avec Xavier. Exact. Mais là, il est pas là. Pas cette année. Non, il est pas là. Il nous manque. Oui, et on devrait prendre le rôle peut-être nous-mêmes. Peut-être juste tester des affaires, essayer des... Je sais pas. Si on pourrait parler de breuvage en général. C'est pas très fort. J'ai bu de l'eau. Oui, c'est pas bon. Mon chocolat chaud, c'est du... Voilà, donc ça va être la fin de la première heure, on va se retrouver tantôt. Et en deuxième heure, qui avons-nous à 8h juste, François? On va recevoir Véronique Mire du Bureau de la réussite étudiante. Et vers les 8h30, Matt? Moi, je te dirais qu'on aurait Alexandra Carignan. Ouh. Elle va être là, le temps d'une culture, me dis-je en pointant mon poignet. Il n'y a pas de monstre. Ah, ah. On va prendre le temps d'une culture. Ouais. Faut être le côté de ton écran en bas droit. Ouais, c'est ça. Ah. L'heure est là. Ça a l'air vrai. Pour l'instant, c'est l'info campus que c'est là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 A. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. La deuxième heure d'Assemblage requis en ce lundi 12 novembre 2012. Il est 8h du minuit, puis c'est François-Louis Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oui, on parle encore de café, nous autres, là. Ah oui, on parle de café. Mais c'est intéressant de parler de café. Oh, ouais. Faut en apprendre plus. J'aimerais savoir quelqu'un pour nous en parler. Je me sentirais de café si j'en parlais moi-même. Hein? Je connais pas assez ça. C'est quoi? Dans quelques minutes, on va parler de pas du tout de café. On va parler en fait peut-être de café parce que vous allez en avoir besoin pour étudier, mettons, si j'essaie de trouver un lien. Ça va être la collègue de Véronique Mire du bureau de la réussite étudiante. Mais pour l'instant, Dali Placard nous rend un hommage à une fille nommée Angélique. Ah, semble un truc. Le café, ça vient tout droit du ciel, ça, je pense, non? C'est quoi, hein? Je crois plus à ça qu'à d'autres choses. Le café. Placard et la pièce Angélique sur l'album Démon Vert. C'est une pièce du palmarès francophone de C'est Fou. Juste avant, tantôt, on parlait de café. J'ai parlé de Nabi Little Beach que j'ai acheté. Là, ceux que ça intéresse, parce qu'on me le demande, c'est en ce moment, il est vraiment pas cher chez eux. Eh bien. C'est là, d'ailleurs, qui doit fermer ses portes. C'est ça. Ils vendent même leur étalage. Oui. Hein? Puis ils réussissent à les vendre en plus à d'autres commerces, j'imagine. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il y a un catalogue quand tu rentres. Oui, il y a des vendus partout. La rack. Oh, ouais. Même les trucs à jeux vidéo. Imagine, t'as ça chez vous dans ton appartement, un rack à jeux vidéo. Qu'est-ce qu'ils vendent ça? Je sais pas. J'ai pas regardé les prix, c'est pas pour moi. Eh bien, malheureusement. Donc, Véronique Mire, vous l'avez entendu, elle vient d'arriver. C'est la chronique du bureau de la réussite étudiante. Et aujourd'hui, je pense qu'on va apprendre. On va apprendre à lire. On va apprendre à lire, oui, lire efficacement. Efficacement. Ça va être long. J'apprends long. À syllabe. Non, c'est pas de même, ça marche? Non. Ça, c'est quand on est petit. Ah. Pas trop longtemps, idéalement. OK, j'ai pas eu assez de jeunesse, je pense. Oh, dommage. Ben, bon matin d'abord. Bon matin, ben oui, ça va bien. Il fait super beau. Ben oui, il fait beau. Il annonce chaud en plus. Ben, il fait chaud là. Ben, il fait supposément 2. Okay. Tu sais, tu changes de chaîne, il fait 2, il fait 1, il fait 3, à peu près 2. Mon iPhone, il dit combien qu'il fait? Mon iPhone, zéro. Ah ben voilà, c'est ça. Mais c'est bon, je me fie bien sur la science du iPhone. Ouais. Ça, c'est bon. C'est un 5, fait que ça. C'est un iPhone 5, fait qu'il est fiable. Il est bon. C'est pas encore le 6, là. C'est ça. En tout cas. À venir. Donc, aujourd'hui, oui, la lecture efficace. En fait, c'est des grandes questions qu'on se fait souvent poser par les étudiants. Comment lire puis se rappeler de ce que j'ai lu? Ouais. Parce que c'est une frustration de beaucoup d'étudiants qui lisent un texte. Puis après ça, il n'y a rien de plus plate, en fait, que de lire. Puis après ça, tu fais comme, mais crème, qu'est-ce que je viens de lire? C'est ça. Ça arrive souvent, ça. Hein? Ben, ça vous est souvent déjà arrivé. Tu lis un paragraphe, puis tu te dis, oups, c'était pas vraiment là. Mes yeux, oui, mais pas ma tête. Hein? Non, puis c'est pas quand c'est une page, un texte au complet. Ouais. Donc, comment faire pour que ça se passe mieux? En fait, c'est la même chose. En fait, une petite analogie avec les cinéphiles ou les dévoreurs de livres. Là. Bon, donc, ce matin, on va parler de la lecture efficace de textes pour l'université. Mais ceux qui lisent en série, là, comme moi, je suis une grande lectrice, ben si je m'arrête jamais... Oui, c'est ça. Si tu t'arrêtes pas pour te demander qu'est-ce que je viens de lire là, à un moment donné, tu prends un livre dans ta bibliothèque, tu te dis « Hey, ça a l'air bon, ça! » Tu commences à le lire, je l'ai déjà lu. Même chose avec les cinéphiles, hein? Tu vas au club vidéo puis avec un ami puis tu dis, tiens, veux-tu louer ça? Ouais, ça a l'air bon. Puis là, finalement, tu le regardes après 30 minutes, tu dis, oui, ça finit comme ça. Puis ton ami te regarde et te dit, spoiler! Là, ouais, c'est ça. Si. Donc, c'est la même chose quand on fait une lecture à l'université, en fait. C'est que si on s'arrête pas pour se dire, qu'est-ce que je viens de lire, de quoi je me souviens? À propos de la lecture universitaire. Dans la vie, c'est, bon, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre-là ou ce film-là? On en parle, hein, des fois, avec des amis après. Telle scène, l'acteur était bon, des choses comme ça. Fait que c'est pour ça qu'on s'en souvient. Donc, il faut prendre le temps de s'arrêter et de se demander une fois de temps en temps qu'est-ce que je viens de lire, de quoi je me souviens. Bref, ça va revenir souvent. Donc, on va voir la lecture en trois étapes, avant, pendant, après. C'est assez simple. Puis, je vais vous donner quelques conseils généraux pour lire plus efficacement et plus rapidement. Okay. Donc, d'abord, avant la lecture, c'est important de prendre le temps de prendre le contrôle. Hein. Ça revient beaucoup dans mes chroniques. Hein. On prend le contrôle de la situation. C'est souvent parce ça. C'est parce que c'est important. Contrôle de la situation. Pas capable. Non, pas vraiment. Ben, quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Hein? Non, mais c'est important, en fait, de prendre le contrôle un peu, comme tu mentionnais aussi dans les autres chroniques, de l'examen, de pas laisser le stress nous gagner, en fait, j'imagine. Oui, c'est pas laisser le stress. Puis c'est aussi, surtout, de se dire, moi, mes études, là, je veux que ça me serve à quelque chose. Ouais. C'est surtout dans cette optique-là aussi de dire, je veux prendre le contrôle de la situation pour que quand je vais travailler, je veux réussir, je vais tout faire pour m'en souvenir, pour que ce soit pas juste du bourrage de crâne. Ouais. Donc, d'abord, on regarde le titre. Hein? Souvent, le réflexe premier, là, quand on a une lecture à faire, on l'ouvre, on commence à lire. On se dit, bon, aujourd'hui, je fais le chapitre 4 dans mon cours d'économie. On j'fais se pose pas de questions. Chapitre 4, je vais passer mon avant-midi là-dessus. On se donne pas vraiment d'objectif. Donc, la première chose à faire, d'abord, c'est de regarder le titre. Est-ce que je connais quelque chose sur ce sujet-là, d'abord? Mes connaissances antérieures, est-ce que j'ai des acquis? Qu'est-ce que je pourrais bien chercher ou découvrir sur ce sujet-là? Donc, déjà, on part en prenant conscience du sujet, du thème, du texte. Donc, on n'est pas juste nouveau, là, puis on connaît rien. Vraiment, on éveille nos connaissances. Hein? C'est sûr que des fois, il y a des textes sur lesquels on connaît rien, là. Mais généralement, on a quand même un peu de culture. Quand même rendu à l'université, là, on a une bonne culture générale. Oui, je pense que oui. Oui. Donc, on regarde le titre. Ensuite, avant même de commencer à lire, on survole le texte au complet. Okay. Donc, bon, titre, les sous-titres, les graphiques, les tableaux. Les photos! Les photos, oui, on peut regarder ça. Ça nous donne une idée, en fait, du squelette du texte. Hein, parce que souvent, on commence à lire, on n'a pas d'idée de ce qui s'en vient. Oui, c'est ça. Mais des fois, c'est décourageant. C'est décourageant. Ben dans le sens où tu regardes ce que tu as à lire, puis tabarouette, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de sous-titres. C'est et c'est opaque. Très, très long, là. Oui, ça arrive, c'est sûr. Mais bref. Ben, dans le fond, c'est que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en intro, dans les premières pages, l'auteur va nous parler d'un sujet. Puis plus loin, il va le détailler ou il va donner des exemples. Ça va être plus clair, plus concret. Puis là, au début, on s'acharne, on comprend pas. Voyons, c'est donc bien compliqué, ça. Puis finalement, un peu plus loin, c'est facile. Finalement, je comprends bien. Donc, le fait de survoler le texte, ça nous évite des surprises, hein, de se faire surprendre. Donc, les tableaux, les graphiques, l'intro, la conclusion aussi, à lire avant même de lire le texte. Les deux, là, l'intro puis la conclusion. Hein? Oui, mais oui. Tu vas savoir la fin, là. Oui, hein, hein, c'est ça, il n'y a pas de spoiler dans les textes à l'université. Pourquoi la conclusion avant? Ben, en fait, c'est parce que ça résume l'ensemble du texte. Puis on sait vraiment qu'est-ce que l'auteur voulait qu'on retienne de ce texte-là. Okay. L'important. L'important. Mais justement, en fait, c'est pas dangereux de juste lire l'intro et la conclusion? Laisser faire le reste. Non, parce que c'est vraiment comme quand on écrit, là, c'est un résumé, les grandes lignes, mais souvent on va lire ça puis on va dire, oups, il me manque un petit peu d'informations. Ouais, c'est ça, ouais, ça me dit pas comment je peux trouver exactement ce que je cherche. Non, c'est ça. Donc, c'est quand même une bonne façon de se préparer, d'avoir en tête les idées principales. Donc, dans votre cerveau, là, ça place le squelette du texte. Puis quand vous allez lire, ben, les morceaux vont se mettre en place. Les blancs vont se remplir. Donc, ça, c'est vraiment la première chose à faire. En plus, un survol du texte, ça vous permet de voir combien de pages il y a, ce chapitre-là. Mm-hmm. Puis, en général, on est capable de lire 7 à 10 pages à l'heure. 7 à 10 pages, 8,5, 11. Là. Donc, des fois, il y a des livres plus petits là, qui sont la moitié. Là. Donc, je ne sais pas, là, 8,5, 5, là, mettons, là, pour un petit livre. Mais on peut en lire le double. Mais en général, c'est 7 à 10 pages à l'heure. C'est vraiment pas rapide, hein? Puis il y en a que c'est 3-4 pages à l'heure. Donc 3-4 pages à l'heure. Quand c'est en anglais, par exemple, ouais. Hein, parce qu'on traduit dans notre tête, ça lit beaucoup plus lentement. Donc il faut prendre le temps de regarder combien il y a de pages. Puis de se dire, bon, ben en sachant que c'est 7 à 10 pages à l'heure, ben plutôt que de me dire je vais lire le chapitre 3 ou 4 d'un coup, ben, je vais faire des blocs de 10 pages. Comme ça, c'est moins décourageant que de lire tout le chapitre complet. Vrai. C'est vrai. Donc, première chose à faire. Ensuite, pendant la lecture, donc faut être actif. Hein? Être actif, ça veut dire chercher à comprendre ce que l'auteur veut nous communiquer, puis laisser des traces de notre lecture pour s'en rappeler. Donc, la meilleure technique, c'est lire un crayon à la main. Ça, c'est la technique par excellence de lecture rapide. Un crayon à la main qui vous sert de guide, donc un stylo ou un crayon de plomb. Suis ce que tu lis? Oui, c'est ça. On suit la ligne avec notre crayon. Okay. Donc, parce que ça, naturellement, c'est plus entraînant, c'est plus dynamique que... c'est attirant pour l'œil plutôt que juste de regarder les mots hein, quand on est fatigué. Là, pensez-y, là, quand on est fatigué, des fois, on fixe des mots. Notre œil n'a pas un mouvement fluide. Donc, le fait de suivre la ligne avec un crayon, bon, ben déjà, on a un mouvement à suivre. C'est plus attirant. Puis on suit avec une réglisse. Comme ça, tu pourras me boucher à chaque C'est bon, ça. C'est une bonne idée. Oui, oui. Pas pire, ça. Ou ben si tu te rends compte que tu lis pas assez vite, ben t'as juste à aller un petit peu plus vite avec ton crayon. Donc, c'est la technique par excellence de lecture rapide et attentive. Donc, en plus, c'est qu'à chaque paragraphe, tu t'arrêtes, puis tu te dis, bon, c'est quoi l'idée, le mot-clé qui résume ce paragraphe-là? Parce que généralement, les textes sont construits comme ça. C'est un paragraphe, une idée. OK. Puis tu vas l'écrire dans la marge. Fait que là, ben t'as pas besoin de relire tout ton texte après. T'as juste à aller voir tes mots-clés que t'as pris le temps... de penser, auquel tu as pris le temps de penser, fait que tu as déjà un peu un résumé du texte. Donc, c'est la technique par excellence de lecture rapide. Okay. Le surligneur, hein, ceux qui ont... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah, moi, j'appelle ça la fluotite aiguë. Hein? Ouais, mais ouais, c'est ça exactement. Ceux qui regardent les textes, là, bon, tout jaune, tout orange, tout rose, puis là, tu es découragé, tu regardes ça. Si vous voulez absolument surligner, idéalement, on surligne pas. Du tout. On évite là, de surligner. Pas. Ou sinon, ben vous lisez tout le paragraphe au complet et après, vous allez rechercher l'idée ou la phrase ou le petit bout de phrase que vous jugez important. Mais faites-le pas au fur et à mesure. Parce que si vous décrochez, quand vous allez raccrocher, vous allez avoir la mauvaise impression, l'impression que ce que vous venez de lire là, devait être important puisque vous avez raccroché. Donc là, vous allez surligner pour rien. Puis quand on est fatigué, on n'est plus capable de discerner c'est quoi qui est important, Non, puis t'as plus le goût. Non, c'est ça. Donc, le fluo, là, laissez ça de côté. Bon, c'est le fun parce que ça met de la couleur, mais à part ça, là, les mots-clés dans la marge, c'est amplement suffisant. Portez attention aux tableaux graphiques. Donc, j'en ai parlé là, dans le survol avant la lecture. Les tableaux, les graphiques, souvent, c'est un résumé d'une grosse partie du texte, parfois plusieurs pages. Donc, souvent, on les saute vite parce qu'on se dit « Ah, c'est beau, j'ai compris. » À la place de faire ça, là... Ouais, c'est ça. Faut les comprendre pour ouvrir. Faut les comprendre. Prendre le temps. Puis c'est un moment aussi pour s'arrêter puis se dire « Bon, qu'est-ce que j'ai compris? » Donc, c'est des arrêts. Puis c'est comme ça que vous allez vous souvenir de votre lecture. Avant d'aller dans une petite pause musicale, ben, l'utilisation du dictionnaire, évitez d'aller voir à chaque fois que vous butez sur un mot dans le dictionnaire. C'est comme quand on apprend à lire en anglais. Ouais. Si à chaque fois on arrêtait pour aller voir, on comprendrait plus la structure. Hein? C'est comme quand on apprend à lire, là, comme que tu faisais tantôt. Efficacement. C'est ça, mettons, le chien aime manger. Bon, puis là, à la fin, ta mère te demande, qu'est-ce que tu as lu là? On sait pas. Hein, parce que c'est trop lent. Donc, évitez d'aller voir dans le dictionnaire à toutes les fois. Généralement, on continue à lire, le sens vient tout seul. Finis par comprendre. C'est ça, c'est ça. Sinon, il y a peut-être des fois, par contre, un mot qui semble important et que tu comprends vraiment pas. Un mot spécifique du domaine. C'est ça. Ben, on peut se faire une petite étoile puis retourner le voir à la fin, je dirais, mais pas pendant la lecture. Okay. Donc, c'est pour pendant. Après la pause, on va voir après qu'est-ce qu'on fait, puis quelques petits conseils. Donc, on s'en va écouter la chanson « You've Got to Hide Your Love Away » de Eddie Vedder, le chanteur de Pearl Jam. Pearl Jam, aussi connu sous le nom de confiture de perles. Et confiture de perles. Ça doit être bon, ça, de la confiture de perles. Mais, hein? Au petit collier, hein? If she's gone, I can't go on feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day, I can see them laugh at me, and I hear them say, voilà, c'était super merveilleux. Pearl Jam, hein? Ouais, super ça. Bon. J'aime beaucoup ce groupe. Donc, on continue, hein? Toujours moi, Véronique Mire, présente pour... du bureau de la Réussite étudiante ici à Assemblage Rocky. Oui. Et là, on parle de comment lire efficacement. Technique de lecture. Technique de lecture, oui. Donc, avant la pause, on a vu comment lire, se préparer à lire, hein? Pour pas juste dire, bon, je vais lire mon chapitre, j'ouvre mon livre, je commence à lire. C'est long, j'ai rien retenu. C'est long, c'est plate. Faut s'étirer avant, je pense, pour un faire peu, l'entorse au cerveau. S'élever, faire des pauses. Hein? On a vu ça sur la gestion du temps, toujours faire des pauses. Et ça compte aussi pour la lecture. Oui. C'est la pire chose à faire, en fait, de lire un chapitre au cours. Ben là, si c'est un chapitre de 5 pages, c'est pas grave, là. Non, c'est ça. Mais des chapitres de 30 pages, c'est la pire chose à faire de les suivre d'une frappe. C'est ça. On retient rien, c'est long. Les lectures universitaires, là, c'est pas Harry Potter, hein? Non. C'est moins pas d'action, évident. Non, c'est ça. Donc, prenez l'habitude de survoler la lecture avant. De vous familiariser avec le texte, posez-vous des questions. J'imagine qu'on lit pas dans notre lit. Ben, idéalement, ça va revenir un petit peu plus tard, on évite ce genre d'endroit. Okay. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Parfait. Pendant la lecture, donc, crayon à la main, ça nous sert de guide pour lire plus vite, puis on peut marquer les mots-clés dans la marge. Ensuite, après la lecture, on se demande, bon, qu'est-ce que j'ai appris? Hein, là, c'est le retour sur l'ensemble du texte. Si vous voulez vous faire un résumé, la super technique du mot-clé dans la marge, c'est là qu'elle prend toute son importance. Ah oui. Vous avez juste à reprendre les mots-clés puis à vous faire un schéma avec ça. Pas besoin de retourner voir dans le texte. Fait que ça vous évite Des fois, on retourne voir dans le texte, puis là, tout a l'air important. Hein? Fait que les mots-clés... Puis là, tu le sais plus. Là. Non, le résumé, c'est une des choses les plus difficiles à faire. Moi, j'étais pourrie là-dedans. Au secondaire, quand nos profs nous demandaient de faire ça, j'haïssais ça. Là. C'était très difficile. Est-ce que tu peux aller voir dans le glossaire à la fin, puis genre, pointer un mot, puis dire, bon, définis-moi ce mot-là, non? Tu peux faire ça? Ben, oui, ça pourrait être une bonne façon. Ben, il y a des textes, là, des livres qui sont tellement bien faits. Hein, même qu'à la fin des chapitres, des fois, il y en a déjà des résumés. Ah. Ou des fois, il y a des questions même qui résument le texte. Ça, allez voir ça dans les livres. Un cours sur le comportement humain, notamment. Là, le livre est super bien fait pour ça. Regardez ça avant. Des fois, à la fin du livre, complètement, il peut y avoir certains résumés des paragraphes. Pas des paragraphes. Des chapitres. Donc, allez voir ça. Puis, idéalement, c'est sûr qu'il faudrait échanger sur le texte, hein, comme on le fait avec un bon film, un bon livre qu'on a lu. Discuter, c'est ça qui crée l'empreinte mnémonique. Hein, donc, l'empreinte. Hey, je suis mêlée ce matin! L'empreinte mentale. Mais il faut se trouver donc des amis qui sont dans le même cours, là, devenir amis avec ces gens-là pour discuter, parce que sinon, tu peux pas prendre n'importe quel ami. Puis... Non. Puis, faites attention, les amis. Hein, entourez-vous des meilleurs. Ah oui, ben oui. Hein, on a tendance, des fois, il y a des gens qui me regardent quand je leur dis ça, leurs amis font pas plus grand-chose à côté, ben c'est pas très efficace. Ouais. On peut avoir des amis école puis des amis personnels. Oh, ouais. Donc, du coup, ça rend visite assez grave. À suivre. Donc, en gros, on se questionne sur le titre. Qu'est-ce que je connais là-dessus? Ensuite, on survole le texte, les idées principales, titre, sous-titre. On lit le crayon à la main et ensuite on résume et on réfléchit sur ce qu'on vient de lire. Donc voilà pour le avant, pendant, après. Maintenant, petit conseil généraux, donc évitez de faire des retours en arrière. Des fois, on n'a pas compris un bout, là, on s'acharne sur ce bout-là. Ouais. Ou on se dit la phrase d'avant, là, il me semble que je ne l'ai pas compris. Continuez. Continuez. Le but, là, c'est plutôt comprendre l'idée générale que de comprendre chacune des phrases. Tu ne laisses pas une note pour revenir à la fin comme à Gadeclan. On peut. Oui, on peut revenir à la fin, mais dites-vous que les lectures à l'université, sauf si c'est pour un travail là, de session, c'est des lectures préalables. La job du prof, généralement, c'est de revenir sur la lecture puis de faire en sorte que vous allez bien le comprendre. C'est ça. Ben, y en a qui nous donnent des lectures puis ils reviennent pas dessus. Mais ouais, il y en a qui font la lecture directement en classe. Là. Ça, c'est aussi, plate. Hein? Ça, c'est plate en titi. Là. Parce que tu l'as le livre. T'es capable de lire au même. Et t'es capable de lire. Ça, d'habitude. Mais bon. Efficacement. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Ah, oh, ça arrête de le fun. Elle a des noms en tête, là, je pense. Ben, moi, je suis pédagogue de formation. Donc, moi, là, le fait de lire des textes en avant, là. T'aimes pas ça, mais. C'est bien. Tout le monde décroche. Ça n'a pas de sens. Mais il faut que tu te dises, à un moment donné, moi, quand j'étais étudiant, là, j'aimais-tu ça me faire lire les PowerPoints, là? Ah, hein? Les beaux PowerPoints. Les profs qui lisent des PowerPoints. Non, mais ils ont abusé, là. Hein? Ils ont abusé de ça. J'ai compris, ils ont un musée. Puis je trouvais que c'était super bon. Ça, il y en a peut-être un. Oui, ça abuse. Hein? Oh. Donc, en tout cas. On va se fâcher à Martin. Oh, voilà. Non, continuons. Persévérance. Donc, pas faire de retour en arrière. Enrichissez votre vocabulaire aussi, hein, des termes spécifiques dans vos domaines. Portez-y attention. Ça c'est important. Revenir. C'est bon de se faire un petit glossaire, peut-être, justement, des termes qu'on connaît. Est-ce qu'on dit lexique ou glossaire? T'sais? Oh boy, bonne question. Ouais, je ne suis pas spécialiste en français, malheureusement. Les deux m'ont l'air vrai. Ouais, c'est ça, l'air bien. Mais ça, c'est bien aussi. Si tu comprends pas un mot, des fois, tu peux aller voir au lexique complètement. Et souvent, en fait, le mot va revenir à d'autres places. Donc, tu peux peut-être aller voir aussi. Oui, peut-être. D'autres. Des fois, il y en a à la fin, mais des fois, il n'y en a pas. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de la maison d'édition. Ouais. Mettons. On dit des affaires qui ont l'air vraies. Ça a l'air bien, hein? Ouais, ça sonne bien, en tout cas. aussi, la bonne attitude, hein, ça, c'est la clé, toujours. Donc, pas commencer à lire en se disant « Ah, ça va être long, ça va être difficile », de se dire « Je veux comprendre, je vais comprendre. Si je comprends pas, le prof va me l'expliquer. Sinon, je vais aller poser mes questions. » Bon, parce que sinon, là, c'est vous partez en vous disant « Moi, j'aime pas ça lire. » Vous tirez dans le pied. Ouais. Moi, c'est une des super choses que j'entends. T'aimes pas lire, t'es à l'université. Ouais, c'est ça. Peut-être un professionnel, ça peut être pas pire. C'est quand même, là, il faut replacer les affaires. Environnement approprié. Donc, t'en as parlé tantôt, la posture ou l'endroit pour étudier. Évitez d'étudier dans votre lit ou sur un divan. Ou c'est lire, tellement confortable. Tout. En fait, c'est que vous associez un endroit normalement relié à la détente. Au plaisir. À un moment stressant ou exigeant intellectuellement. Donc, ça peut avoir un effet pervers dans les deux sens. Quand vous étudiez, vous voulez vous détendre, vous endormez. Mais quand vous voulez vous endormir ou vous amuser, vous êtes stressé, vous pensez à d'autres choses, puis ça devient moins amusant. Ouais. Voilà. Donc, évitez ça. En plus, c'est surtout que la posture n'est pas la bonne. Quand moi, souvent, je dis à mes étudiants dans mes cours, on s'arrête tout le monde. Comment vous êtes assis, là? C'est pas pour les faire suer. Hein, assis c'est droit. Pas parce que... Non, mais c'est vert. Ça. En fait, non, mais c'est parce que si t'es pas bien assis, ton sang, il circule pas bien. Puis tu manques d'air, t'es raqué. Là, tu suis mon cours, puis tu... Ah, j'ai mal au dos. Là, pendant ce temps-là, là, tu m'écoutes pas. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est que le sang circule pas bien. T'as pas le sang nécessaire pour réfléchir. Donc, si t'es mal assis, déjà, tu te tiens dans le pied. Ben, c'est sûr qu'à force d'écouter, on compte un peu, puis bon, on se met confortable. Mais faut faire attention à ça. Le bruit, ça dépend de chacun. Il y en a qui aiment ça avoir un petit peu de musique, de l'ambiance. Il y en a qui ont besoin du calme complet. Ça dépend vraiment de vous. Propre à chacun. Mais on sait qu'on ferme Facebook, ça on sait. Oh oui, il faut faire attention à ça, idéalement. Ouais, tout, là, en fait, t'écoutes pas la TV en même temps. Ben là, pas de télé, la musique sans parole. Pas de parole, c'est ça l'important. Les gens écoutent du gros rock ou du metal. Non. Instrumental, trames sonores. C'est pour ça que j'aime beaucoup les trames sonores, entre autres, de films Harry Potter. C'est très bon pour étudier. C'est épique. Mais oui, hein, ça met dedans. Il y en a des très bonnes. Bon, en fait, c'est que si vous n'êtes pas entraîné par la musique. Hein, parce que sinon, encore une fois, vous tirez dans le pied. L'éclairage est aussi très important. Pas de bol disco. Tamisé. Non. Il fait chaud. Tamisé. Puis. Alors, on parle de la lecture. Mm-hmm. Le plaisir plus tard. C'est forcément. Puis aussi, on y pense pas, là, mais à côté de votre livre sur quelque chose, une boîte de Kleenex, une pile de livres, votre coffre à crayons, on a tendance à mettre notre livre à plat sur le bureau. Puis là, qu'est-ce qu'on fait, hein? On devient des petits vieux bossus. Tout recourbé sur notre livre. On a mal au cou. Vous savez que plus que la moitié des étudiants sortent de l'université avec un problème dans le haut du dos ou au niveau du cou. Parce qu'on est toujours penché ou la tête par en avant pour regarder l'ordinateur. Donc, le fait d'incliner l'ordi, ça aide énormément. OK. Donc, voilà pour la lecture efficace. J'espère que ça vous a été utile. Hein? N'oubliez pas que nous, au Bureau de la réussite étudiante, on existe physiquement. Hein? N'hésitez pas à venir nous voir, parce que là, vous m'entendez. On est au 1416 Léon Provencher. Si vous avez des questions, allez voir sur notre site Internet si vous voulez plus de questions. Les étudiants peuvent aller vous voir justement pourquoi. Si on fait un petit récapitulatif de vos services. En fait, ça serait plutôt via le site Internet. Pour ça. OK, on passe par le site Internet. Oui, parce que si vous voulez venir nous voir, c'est parce qu'il y a un problème. Okay. Sur le site Internet. Oui, le site, en fait, c'est pour savoir c'est quoi nos services. Donc, le mentorat, si vous avez besoin de mentorat. Mentorat, il n'est pas trop tard, là? Là, ça commence. Ah ouais, ça il commence? Reste vraiment pas beaucoup des places. Dépêchez-vous. Si vous voulez du coaching avec moi pour justement aller plus vite, apprendre à gérer votre temps, votre stress. C'est toi qui donnes ça? Un pour un. Il y a le cours réussir ses études aussi. Là, les inscriptions sont parties. Si vous voulez voir toutes les stratégies pour réussir vos études, ça commence en janvier. Allez voir ça. Donc, voilà. Et le site, c'est quoi l'adresse? UQTR.ca/réussite sans accent. C'est pareil comme dans... écoutez, avoir ça baroblique quelque chose, puis là, c'est réussi. Oui, oui. On le retient facilement, bureau de la réussite. Sans accent. C'est ça. Et voilà. Merci, Véronique. Génial. Ça me fait plaisir. On va se laisser. Une autre pièce? Oui, une petite tune en finissant. Donc, c'est I'm Only Sleeping, pour tous ceux qui sont encore endormis ce matin, de l'excellent groupe The Vines, qui nous a donné Get Free en 2002. Donc, bonne écoute. C'est la 9, je pourrais être sûr. C'est la 9, Oui. Parfait. C'est pas sûr, ça. When I wake up early in the morning, lift my head, I'm still yawning. When I'm in the middle of a dream, stay in bed, float upstream. Please don't wake me, no, don't shake me, leave me where I am, I'm only sleeping. Everybody seems to think I'm lazy. I don't mind, I think they're crazy. Running everywhere at such a speed, till they find there's no need. There's no need. Please don't spoil my day. I'm miles away, and after all, I'm only sleeping. Time. Au retour, on parle d'art et spectacle avec Alexandra Carignan, le temps d'une culture à Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Hello, hello, hello. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le plan de demain à Assemblage Requis. Maxime Tanguay nous fera découvrir un groupe indie dans sa chronique musicale. Michel Lebrun nous fera subir un interrogatoire dans son panier à salade. Et David Ferron sera prêt, comme toujours, à mettre la langue dans ton oreille. Assemblage Requis, c'est demain dès 7h. C'est fou. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage Requis. Quarante ans de dictature sous le silence de nos drapeaux. 40 ans à la dure, sous les yeux des Occidentaux, qui partent en vacances en Tunisie, prendre des photos d'Alexandrie, et qui d'un coup semblent surpris, au réveil du peuple endormi. Merci Égyptien, merci Tunisien, merci pour ce doux réveil qui au fond de nous nous rappelle que la démocratie, c'est la rue qui l'a choisie, à Tripoli ou à Alger, le peuple va décider. 40 ans de vie austère, sous l'œil rigide des militaires. 40 ans dans la misère, sous corruption de fonctionnaires. Qui décide si tu te loges, si tu travailles, si tu déroges, si tes enfants auront le droit d'avoir du pain pour leur repas. Merci Égyptien, Libyen, Tunisien, merci pour ce doux réveil qui au fond de nous nous rappelle que la démocratie, c'est la rue qui l'a choisie, à Tripoli ou à Alger, le peuple va décider. N'enlève pas ses œillères, que les intérêts africains pour la France valent bien plus cher que le bonheur des êtres humains qui habitent sur ces terres. À présent reconstruire une liberté, un pays. À présent quel devenir et quelle histoire en Tunisie. Pour que les femmes puissent sourire, que les droits de l'homme puissent grandir, et que ce passé aboli ne revienne pas dans l'avenir. Merci Égyptien, Libyen, Tunisien, merci pour ce doux réveil qui au fond de nous nous rappelle que la démocratie, c'est la rue qui l'a choisie, à Tripoli ou à Alger, le peuple va décider. Thank you. Nouvel extrait de Trio à Assemblage Requis. C'est la première fois que nous, on l'écoute. C'est la pièce Printemps arabe sur leur album La Dilafée. Voilà. Donc, à Assemblage Requis, il est 8h40 minutes environ et on reçoit Alexandra Carignan pour sa chronique Le temps d'une culture parce que c'est important dans la vie. Là. C'est comme un médecin de famille. C'est de la culture, hein? Puis... Salut Alexandra Carignan! Allô! Ça va? Ça va très bien. T'avais le rayon de soleil dans la face, t'es un ange. J'étais illuminée. Illuminée Alexandra, ça prend pas. Waouh, on dirait un espèce de nom d'Astérix ou quelque chose du genre. Oui! Alexandrie Alexandra. Illuminix Alexandra, c'est ça? Illuminix. C'est beau, j'aime ça. Ben voilà. Donc, Alexandra, toujours là pour sa chronique Le temps d'une culture. Et tu aimes, genre, partager des articles du Zone Campus, en tout cas des sujets que tu couvres dans Zone Campus avec nous. C'est un peu ça, tu sais? Exactement. Et une fois sur deux, en fait, comme ça tombe cette semaine, c'est une exclusivité puisque le journal n'est pas encore sorti. Non, scoop! Alors, vous avez des petits scoops. Ouais. Des petits scoopettes. Des scoopettes. Je comprends pas le lien avec Roy Dupuis. Il n'y avait pas Roy Dupuis dans Scoop? Oui, je ne le sais pas. Je sais même pas c'est quoi. T'étais pas né encore, c'est ça? Bon, je pense que oui. Bon, je pense que t'es né. C'était à quelle année? C'était qui? C'était Macha Grenon. Ouais, Roy Dupuis. Ouais. C'est les deux seuls que je me souviens. Pas mal ça. C'était à quelle année, ça? 80... Les années 90. Ouais. Alexandra vient nous mettre de la culture dans la place puis elle manque de culture avec Scoop. Attends, j'essaie de voir là, rapidement là, dans quelle année c'était, mais je ne le sais pas. C'était-tu un film ou une télésérie? Non, c'était une télésérie. Ouais. Une télé-roman, ouais. Écoute, c'était en 91-95. J'ai pas 10 ans, là. J'ai pas 10 ans, là. T'as pas 10 ans? J'étais né en 91-95. Ouais? Depuis moins 5-6 ans. En 90, les gens sont rentrés à l'université, là, ceux qui sont nés en 90, ils rentraient cette année. Ça n'a pas rapport. Tu sais, quand même, ça va vite. Là. Ouais. J'étais né. Hey, fâche-toi pas. Juste que j'écoutais Sesame Street à la place de Scoop. Wow! Arrêtez de rire de mon âge! Bon. Ah là là. Alors voilà, maintenant je suis une femme mature et je vous parle de culture. Ah oh ouais, c'est très bien. Oui. On est impressionnés. Et cette semaine, je vais vous parler de deux volets. Premièrement, un volet d'art visuel et deuxièmement, un volet spectacle gratuit. Oh là là, mais là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Oui, c'est la l'huître. C'est jamais la l'huître, voyons donc. Arrête jamais. Ça. On parle pas de ça ici. Jamais. C'est ton sujet de prédilection parce que t'es dedans, puis c'est normal, puis t'aimes ça, puis ben oui, ça vaut la peine ça, de partager. Puis c'est ça, ça vaut la peine d'en parler parce que ça peut intéresser du monde et justement amener de la crowd. Voilà, mais on commence pas par ça. Non, on commence pas par ça, on commence par l'art visuel. En fait, une exposition qui est présentée au Centre d'exposition Raymond Lagnier. C'est deux artistes, une de Québec et un de Montréal. C'est Laurent Lévesque et Kathleen Hall qui présentent leur exposition jusqu'au 25 novembre prochain. Donc, vous avez encore un petit deux semaines là, pour pouvoir y aller. Premièrement, en fait, Laurent Lévesque qui présente l'exposition Le déséquilibre écologique. C'est un artiste ou c'est un évêque, le branche-toi? Hein? Tabarouette. Raison poli, toi. Ça fait longtemps que je voulais la sortir. Raison poli, travaille tes jokes. OK? Merci. Ouais. Alors, Laurent Lévesque, en fait, qui présente Le déséquilibre, qui est une exposition en deux volets. Assez spécial, ça l'attire l'œil en premier et deuxièmement, tu fais « Ah, mais qu'est-ce que c'est? » Premièrement, en fait, quand on rentre dans le centre d'exposition, on voit des chaises rouges plastiques IKEA brûlées. OK. Alors, fondues? Fondues, ben brûlées et fondues. OK. Brûlées, donc, fondues, ouais. C'est ça. Et en fait, si on regarde à droite, on voit des sacs de plastique photographiés dans le ciel. Bon, là, vous dites, mais qu'est-ce que ça, les artistes? Oui, ils volent. Alors, en fait, ce qu'il a voulu montrer premièrement dans un premier temps par rapport aux chaises, c'est la temporalité, donc le temps. Ce qu'il a voulu montrer, c'est... Le temps, ça ne brûle pas, mais ça s'arrête. Les chaises brûlées, le principe est assez intéressant, c'est qu'il a pris des chaises, il a mis feu à ces chaises-là et a retiré l'oxygène de la pièce, ce qui a arrêté le feu net. Donc, les chaises n'ont pas été modifiées. On voit la chaise... Ça ressemble encore à une chaise. Ça ressemble encore à une chaise et... mais en fait, c'est le dossier qui est brûlé, là. Et tu vois, là, quasiment, là, l'espèce de noir de feu là, qui allait manger la chaise. Parce que, tu sais, si on l'aurait éteint avec du feu ou avec... Tu l'éteins avec de la feu? Grosse mousse. Du feu, j'ai dit du feu. Avec de l'eau ou de la grosse mousse. Ouais, mais ça fait une réaction. C'est ça. Ça l'aurait altéré de... le, ouais. le, le, le, l'espèce de produit. Alors, ce qu'il a fait, c'est ça. Donc, on voit ces chaises-là qui représentent, en fait, le temps arrêté parce qu'il a vraiment retiré l'oxygène. C'est une bonne idée, par exemple. Et face à ça, en fait, ce qui est intéressant, ce qui est paradoxal aussi, c'est qu'on trouve... Pardon. Un micro-ondes. Et ce micro-ondes-là tient l'heure à la minute près. Donc, c'est comme une espèce de paradoxe là, de temps. Là, le temps qui roule. C'est fou, hein? Ouais, mais les chaises sont vraiment hot. Et, si le micro-ondes est moins hot, là, il est plus tiède. Le micro-ondes, c'est pas ma tasse de thé. Oui, justement, la tasse de thé, des fois, dans le micro-ondes, je sais pas si on va se promettre. Moi, je mets mon café dans le micro-ondes. Ouais. Bon, ben oui, mais là, si ça vient moins frais, si ça vient plus frais, tu le mets dans le micro-ondes. Ah ben. En tout cas, pas moins frais. Confession. Alors, c'est ça. Et à côté, en fait, on retrouve ces photographies de sacs de plastique dans le ciel. Vous vous dites, mais voyons. Et là, est-ce que ça vous fait penser à American Beauty? Peut-être. Je sais pas si vous avez vu le film Beauté américaine. Non. En tout cas, vous le verrez, puis vous allez faire, ah oui, c'est bon. Il y a des sacs qui volent. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'il a voulu montrer, en fait, c'est la surconsommation de la société, c'est aussi simple que ça. Il a voulu prendre ces sacs-là, les dénuder de toute utilité, donc de les mettre devant un ciel bleu et de les photographier pour montrer comme qu'il y en a partout. Et c'est que sur les cartels qui représentent l'exposition, c'est marqué tel axe géographique Singapour, tel axe géographique Canada. C'est pour montrer que partout dans le monde, il y a un problème de surconsommation. C'est sûr que là, vu que je le dis de même, c'est comme des sacs de plastique dans le ciel, mais c'est vraiment intéressant puis ça a dû être vraiment long parce que tous les sacs de plastique sont vis-à-vis du soleil. Oh, okay. Alors, il a fallu qu'ils prennent des milliers de clichés pour pouvoir avoir... Le soleil est tout le temps caché. Il ressort un peu, exactement. Okay. Alors, c'est très intéressant tout de même. Très purifié, minimaliste. C'est pas des sacs de chez IGA, c'est des sacs... Il y en a des fois... Il y en a un qu'on voit une marque, mais je la connais pas. Okay. Mais tu sais, c'est des petits sacs... C'est pas IGA. Moi, ouais. Mais c'est très intéressant, franchement. Là, c'est un artiste autodidacte de Montréal, donc Laurent Lévesque. Et dans la deuxième salle, donc là, je parlais de deux salles, c'est qu'on a une grande salle divisée en deux et une petite. Dans la petite salle, on a Kathleen Hall, qui, elle, présente de l'estampe numérique. Mais c'est une artiste ou un corridor? Alors, on présente Kathleen Hall qui présente l'exposition Le Tour du Monde. Et ce qu'elle a fait, c'est des cadavres exquis avec ses amis. Donc, 20 personnes qui ne sont pas de la sphère artistique. Donc, des personnes... ordinaires. C'est ça, ses amis, sa famille. Et est-ce que vous connaissez le principe d'un cadavre exquis? Pas tant, non. Non, on aimerait que tu nous l'expliques. En fait, c'est super compliqué à expliquer, mais c'est tellement simple à voir. Désolé, alors. Mais non, c'est pas grave, je vais vous l'expliquer pareil. Ça me fait penser à des gens qui sont supposés être morts, mais... Non, ce n'est pas ça. Bon. D'ailleurs, quand on explique, oui, on va vous expliquer qu'est-ce qu'un cadavre exquis, les parents font. Oh mon Dieu, non. Ça a l'air lugubre. C'est ça. Mais non, en fait, c'est un procédé artistique qui a été développé par les auteurs du début du 20e siècle. Donc, toujours Jean-Paul Sartre, ainsi de suite, là, la petite clique. Eux autres, au début, le faisaient avec les mots. Donc, c'est moi, je dis un pronom, je... Puis là, toi, tu penses à un métier. Puis là, tu fais astronaute. Puis là, tu penses à un qualificatif. Tu fais débradé. Puis ça fait, l'astronaute débradé. Mais on ne se dit pas qu'est-ce qu'on choisit comme partie de la phrase. OK. Mais on le fait? Oui. On le fait. En fait, ça fait une phrase qui est sans queue ni tête parce qu'on doit choisir un élément de la phrase, mais on ne sait pas qu'est-ce que les autres ont choisi. Alors, en dessin, c'est, moi, je fais le corps. Toi, tu fais la tête. Toi, tu fais les pieds. On se dit pas du tout qu'est-ce qu'on fait. Normalement, tu plies la feuille, comme je fais la tête. Là, je la plie pour pas que tu la vois. Je te montre. Puis je continue. Ou les deux petites lignes, là, mettons, où est-ce que mon dessin se termine. Okay. C'est ça, le cou. Toi, tu fais le corps. Fait que moi, je peux décider de faire. Une femme. C'est ça. Une tête de poisson, tu fais un corps de cheval, toi, tu fais des pieds de grenouille, tu sais. C'est un cadavre exquis. C'est compliqué. Je savais pas si ça s'appelait comme ça. Non? Il faut un talent en dessin, j'imagine. Pas nécessairement. Ouais. En fait, elle l'a fait avec des amis. Là, Mais c'est des dessins, c'est pas de la photo. En fait, c'est à partir des cadavres exquis qu'elle a fait avec ses amis, elle les a retravaillés à l'ordinateur. Elle a fait des estampes numériques s'inspirant des cadavres exquis qui avaient été faits. Alors, une estampe numérique, en fait, là, c'est un procédé c'est beaucoup fait par ordinateur. Donc, c'est une espèce de dessin par ordinateur que tu vas imprimer sur une feuille. Donc, c'est beaucoup plus... c'est dans une idée de démocratiser l'art aussi parce que c'est beaucoup moins cher qu'une peinture. Mais c'est pas en 3D. Non, c'est pas en 3D du dessin, tout. C'est du dessin. Mais c'est ça, c'est pas du dessin au crayon de plomb. Là. Elle a vraiment refait des versions au propre de ces cadavres exquis là. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque œuvre a un poème qui le suit, qui a été écrit par la personne avec qui elle a fait la collaboration artistique. Alors, c'est intéressant là, de lire les poèmes qui s'inspirent du dessin et du mot, ainsi de suite. Donc, c'est son tour du monde à elle, parce qu'en fait, quand on fait un tour du monde, c'est comme un peu une destination inconnue. Et un cadavre exquis, on s'entend que c'est une destination très inconnue. Alors, c'était sa manière de voyager. Et une autre... est-ce qu'on a terminé avec les arts visuels? Oui, on a terminé avec les arts visuels. Parce que j'essaie de faire un genre de lien de transition vers aussi quelque chose d'inconnu. C'est quelque chose qui n'a pas besoin de script, hein? Ben oui, comme l'improvisation. Mmh, c'est ça, j'essayais. Là. Et voilà, en fait, la semaine dernière, donc le 5 novembre dernier, on a vu à la Chasse-Galerie les bleus qui rencontraient les verts. Donc, c'était assez... depuis le début de l'année, là, les spectacles... C'est serré, hein? C'est très serré, en fait. On se retrouve... L'année dernière, il y avait souvent des équipes où est-ce qu'on faisait... Là, on sait qu'ils vont perdre. Mais okay. Là, c'est tout le temps... OK, un point rouge, ben pas rouge, mais c'est bleu, vert, bleu, vert, bleu, vert, bleu, vert. Et on sait jamais où est-ce que ça se termine. Alors, la semaine dernière, c'était encore d'un côté comme de l'autre. Les bleus se retrouvaient pour la première fois cette année en formation complète. Il n'y a pas de remplaçant. Il n'y a pas de remplaçant, exactement. Donc, c'est sûr qu'il y avait le premier match, là, mais c'était comme juste il comptait une ça, heure. Ça comptait pour. Ben, il comptait, mais c'était seulement une heure. Ah. Alors, ça, c'est quand même... Premier match complet avec groupe complet. Exactement. Donc, ils se retrouvaient... Donc, c'était le capitaine Maxime Tanguay et Louis-Étienne Villeneuve, qui est le fédérant, qui normalement était capitaine, mais maintenant, il a été repêché. Camille Tremblay-Lalancette, qui est la recrue des Bleus, et Juliane Pelletier. Pour ce qui est des Verts, c'est le capitaine Dave Bailey, Alex Drouin, Antoine Lacasse et Vanessa Fortier. Alex Drouin, qui est un vétéran là, de très longtemps. On est content de l'avoir encore dans la Ligue. Là. D'ailleurs, ça va sûrement être la dernière année parce qu'il finit sa maîtrise pas mal. C'est lui qui est rendu aussi à Louisville, Drummondville, ou je sais pas, Victo. Il est dans deux ligues en même temps. Oui, il était à la LIV. LIV. La Ligue d'improvisation de Victoriaville. D'accord. Donc, c'était un match. Le début, en fait, c'était... Il y a eu... La première demi a fini par un point pour les Bleus d'avance. Mais écoutez, je vais vous dire que les Bleus, en fait, ce qui a été étonnant, c'est que les trois premières improvisations du match, ils les ont gagnées. Mais les Verts, quand ils sont revenus de la demi, ça a été les trois improvisations qu'ils ont gagnées. Ils étaient en feu. Alors, c'était tout le temps... là, on voit l'équipe qui est un peu plus faible, mais après, elle se reprend. C'était tout le temps d'un bord et de l'autre. Les Bleus ont eu de la misère un petit peu à la première. On dirait qu'ils se cherchaient. Il y avait quelque chose qui... Il y avait un petit quelque chose, mais... En revenant de... Pensez-vous de là. Ça l'a... Mais en fait, ce qui a débloqué, là, c'est l'improvisation avec Maxime Tanguay et Louis-Étienne Villeneuve. Ils sont deux amis depuis très longtemps. Ils sont connectés improvisoirement parlant. Alors, ça a été un bonbon pour le public de voir ça. Et à partir de là, on dirait qu'il y a de l'énergie qui a gagné tout le banc. Ils ont gagné, évidemment, l'improvisation. Et là, ça l'a repris. Ça a vraiment été là, un bout, on disait là c'est les verts, là c'est les bleus. Et finalement, ça s'est terminé pour 7 à 8 pour les bleus. Donc, très serré. Les équipes sont très équilibrées cette année puisque il n'y a pas de match écrasant, sauf une fois là, où est-ce que les verts ont vraiment écrasé les rouges. Là. Mais sinon, là, ça a vraiment bien été. Toi, t'es dans laquelle? Si je me rappelle bien. Je suis dans les rouges. Okay. Je me suis fait écraser par les verts. Ouais. Mais tu sais, sinon, on a gagné notre dernier match. Donc, il y a vraiment une égalité qui se fait. Okay. C'est très intéressant cette année. Beaucoup de nouveaux, des équipes qui sont très différentes là, de l'année dernière. C'est très, très, très intéressant. Beaucoup plus de filles, d'ailleurs. Oui, oui c'est la première année où on a autant de filles. D'ailleurs, il y a seulement une équipe qui a juste une fille. Les autres en ont deux. Sinon, toutes les autres équipes en ont deux. Et le classement, ça peut ressembler à quoi, là, présentement? Le classement, en ce moment, je crois que c'est les bleus. Les bleus qui sont en tête? C'est une... je sais que c'est les écoute, rouges, en tout cas, là. Mais non, mais je vais te le trouver, ce sera pas long, là. C'est les bleus qui sont en tête. Donc, bleu numéro 1, orange 2, 3, vert 4, rouge. Les rouges et les verts, ils ont un point de... Est-ce que vous avez joué moins de matchs, peut-être? Non. Non? En fait, les rouges et les verts sont à égalité en ce moment. Okay. Égalité en dernière place. Et les bleus et les oranges aussi, donc il y a comme... C'est serré, là. Oui, c'est ça. C'est qu'on a tous joué un match. Ben, on a tous joué 4 matchs. Donc, vous avez du temps pour tout le monde. 3 matchs, pardon. Ouais, fait que là, c'est comme 2 égalités. Il n'y a pas une équipe qui est comme ouf, est en bas du classement solide. Non, non, non. Tout, tout va bien pour le mieux. D'ailleurs, si vous voulez des résumés de match, www.uqtr.ca/impro. Super simple. Et d'ailleurs, ce soir, ce sera les oranges contre les verts. Oui, j'avais raison. Alors, les oranges contre les verts à la Chasse-Galerie, 20h, c'est gratuit. Bonne improvisation, la bière n'est pas chère. À la Chasse-Galerie, ça vaut la peine. D'ailleurs, ils seront, en fait, l'Alvitre, c'est toutes les semaines, le lundi à 20h. Pour le reste de la session. Génial. Exactement. Voilà. Hey, j'ai reçu un texte de Simon Fitzbury qui dit que, en fait, t'étais né pendant ce coup, sauf que tu restais en Ontario. Oh! Avec celle de Carignan. Carignan. Oui, j'étais en Ontario. C'est pour ça que j'écoutais Season of Street. Ah, ben, Carignan, c'est anglophone, toi. Sacré. Ben oui. Peut-être pour ça, dans le monde, que je connais pas Scoop. Oui. Merci, Simon. Simon Fitzbay, quel gars d'information. Il a tout à l'information qu'il lui faut au bon moment, lui. Il connaît tout. C'est un maître. Alors, merci beaucoup, Alexandre Carignan. Ça m'a fait plaisir. Oui, merci. Ouais. À la semaine prochaine. Oui, tous les lundis à 8h30. Sinon, dans les palmarès, cette semaine, t'es là aussi? Oui, les palmarès, je vais être là cette semaine. Ouais. Et t'es fine de me dire aussi de faire des plugs parce qu'on n'avait pas dit le boudoir ce soir, 18h lundi. Oui, le boudoir. Oui, avec Lady Beaupré. Bonne musique. Melby, hein? Melby. Il l'a plu? Melby. Je l'ai trouvé très drôle. C'est une animatrice ou c'est un prix? Cette fille-là, tu sais pas? Je sais pas, je sais jamais. Tu sais? Ça soit ça se passe. Pas rapport. Ouais, ce soir, 18h, le boudoir, pas le Beaupré. Exactement, le Beaupré. Voilà, on a parlé au début de la chronique, tu parlais de dans le temps. Qu'est-ce que tu avais dit, back in the days, là, Scoop? Là? Dans le temps, tu disais back in the days? Hein? Back in the days, j'avais un docteur. Ouais, c'était pour un docteur, ça a bien du sens. Donc, ça m'a inspiré Gatineau, voici back in the days. C'est pour moi, back in the days. C'est pour toi, c'est pour moi, back in the days. Dans ce temps-là, il y avait juste du hip-hop anglophone. Tout le monde écoutait Bon Jovi pis Dépêche Mode. Tout le monde disait partout que le hip-hop c'était juste une mode. C'est bon pour moi, back in the day. C'est bon pour toi. C'est bon pour moi, back in the day. C'est bon pour toi. Je fais sans rien, je fais sans ma façon. Je fais souffrir, c'est pas dans maison. Un saut à petite house comme combinaison. Back in the day, dans ton avantage. Back in the day, avec mon ghetto blaster. Ces instrus de col maudit. Ça met pas de but, mais c'est cool la maudit. J'serais pas madeleine, mais c'est pas par choix. Le seul rap québécois qui chasse, c'est quoi? C'est rappelle-moi donc, c'est quoi? Rappelle-moi donc, c'est quoi? King du hip-hop, je rentre des moves de break comme dans Robocop. Sur le dos, sur le ventre, up and down, flip flop. Back in the days, j'ai pas peur d'avoir peur. Back in the days, j'suis dans des hip-hoppers. Back in the days, j'ai pas peur d'avoir peur. Grandmaster Flash, plus d'après-midi, j'suis le Soundash. Fait du style gratuit dans la langue de Jean Arrache. Back in the days, j'ai comme le Sylvanker. Back in the days, c'est mon ghetto blaster. You live in the past, man. Gatineau est back in the days à Assemblage Requis. Et ça va finir. Et c'est comme ça que ça se termine, l'émission d'aujourd'hui. On va se retrouver demain entre 7h et 9h. Avant ça, par contre, on devrait remercier les gens de l'émission d'aujourd'hui. Hein. On oui, a eu Véronique Mire. Ah, ben Alexandra aussi. Mais les deux. On se dit pas d'ordre, on fait jamais non, le même ordre. Non, je sais pas. Ça part on va y aller avec Alexandra parce qu'elle est là. Elle est là. Merci, Alex. Regarde. Ça me fait plaisir. Bon. Merci à Véronique Mire. Bye! Elle était plus là. Sinon, on se retrouve demain entre 7h et 9h. Et demain, à l'émission, on aura Maxime Tanguay et sa chronique Vavoyeur. Pas Vavoyeur, voyons. C'est qui déjà ce Ben-là? J'en ai aucune idée. Oui, Michel Lebrun, d'ailleurs, qui. On va parler de justice et de juridique. Mm-hmm. On aura aussi David Ferron et La langue dans ton oreille avec de la musique francophone. Oh, formidable. Est-ce qu'on va avoir un autre moment classique YouTube? Non. Ça n'a pas vraiment marché. Non. Il n'a pas aimé ça. Non. Sinon, restez sur nos ondes entre 11h et 13h. Danny Janvier sera là pour le dîner de con. Ensuite, Maxime Tanguay, justement, et Simon Fitzbé, qu'on salue aussi. Oui, ouais. Oui, salut. À l'examen final, à 13h. Alexandra et moi allons co-animer en rappel les palmarès assez fous à 14h. Oh, les deux bois dans les airs. Raise the roof. Oui. Hein? Est-ce que tu raise the oui. roof? Moi, je raise pas de roof. De roof. Et c'est drôle de parce roof? Que... pas aujourd'hui, en tout cas. Et c'est drôle parce que t'auras aucunement de rhume dans les palmarès cet après-midi parce que ça date de jeudi passé. Hein? Ben, tabarouette! T'avais pas le rhume à ce moment-là. Ben, c'est encore drôle. Ça commençait, mettons, on s'en rendait pas trop compte. Il est comme jamais fini. Non, il est jamais fini, c'est ça. Ensuite, à 18h, le boudoir avec Alex et Mélissa Beaupré, on l'a dit tantôt. Et en soirée, le voyage insolite avec culture, rock, cinéma et littérature fantastique. On se quitte avec du Bad for Lashes et la pièce All Your Gold. Et puis, on se retrouve demain matin, 7h. Bye, François. Bye, bye, Mathieu. Bye, Alex. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Donc, bye. Les requins? Les dents, c'est des dents requins. Non? C'est beau. Ben peut-être. Never see a picture. Ok, arrête là. Call you on the phone. Never feel the rush of angels when we stay up late alone. Never whisper you a great love story. Only scream and cry and moan. But you're a good man, but you're a good man. I keep telling myself to just let go. Let go.